Marianne et moi, nous collaborons, enfin, nous travaillons les mêmes écrivaines et on collabore de temps en temps, mais là, j'ai une approche complètement différente. Et donc, comme je dis, ça me convient complètement la façon dont tu as commencé, parce que la question s'est posée en fait immédiatement, quelle est la représentativité de ces trois femmes? Et c'est ce problème-là bon, qu'on ne va pas pouvoir résoudre d'ailleurs, mais c'est à partir de là que nos activités du groupe que je représente, en un sens, ont été mis sur pied, disons. Alors, j'ai une espèce de texte parce que je risque de partir dans tous les sens sinon, mais si jamais c'est pas assez clair, on peut aussi tout de suite discuter. C'est-à-dire que moi, je voudrais situer le cadre de la recherche qui est un projet assez vaste, d'où les complications et les tendances à partir dans tous les sens. Et ensuite, donc, je reviendrai sur les questions d'argent pour lesquelles vous aurez vu que je ne me suis plus tellement restreinte finalement au XVIIIe siècle parce que j'ai constaté que je finissais par avoir des exemples venus d'ailleurs. J'espère que ça ne va pas vous gêner, mais je reviendrai en tout cas sur Riccoboni, sur Charrière. Mais vers la fin, parce que je considère donc que sans le cadre, j'arrive pas bien à poser mon problème. Et pour moi, je suis très contente d'être là avec vous et dans ce groupe, parce que je crois que tel que nous, on est en train de travailler, c'est très utile d'avoir aussi des réactions complètement de l'extérieur, si ça vous semble inutile ou ridicule. Enfin, ça va être très utile on va continuer de toute façon, mais ça sera utile au niveau des discussions pour nous intérieurement. Donc voilà. Là, c'est un juste pour vous rappeler que nous sommes un groupe de recherche qui a commencé au début du siècle, si on veut, et depuis 2007, le groupe s'appelle New Approaches to European Women's Writing, et actuellement, on est financé comme une action COST depuis 2009 jusqu'en 2013, c'est-à-dire que la collaboration initiale qui était pas entre une vingtaine de collègues, c'est étendu. Là, on couvre 25 pays d'Europe avec une bonne centaine de collègues travaillant donc sur les femmes écrivains de nos divers pays. Et en fait, on se restreint à la période, un peu large peut-être, mais qui s'arrête quand même au début du XXe siècle, étant donné le rôle qu'on reconnaît, que je pense et que nous pensons qu'il faut reconnaître à la première vague féministe, et donc la situation bien différente que les femmes écrivains ont eu au XXe siècle. Ça laisse toujours des discussions donc dans le groupe, parce qu'évidemment pour la Serbie et la Bulgarie, c'est différent de la Hollande et de la France, mais grosso modo, en tout cas, on s'arrête quelque part début XXe siècle. L'idée, c'est de considérer donc les femmes écrivains à très grande échelle. On a fait une base de données qui permet de classer notre matière à trois niveaux. Là, je donne juste un exemple qui vient d'une présentation que j'avais faite en Allemagne, et comme je savais qu'on n'allait pas pouvoir rentrer, je me suis dit, ça va vous montrer comment que on peut avoir des renseignements au niveau auteur, au niveau ouvrage des auteurs et au niveau réception des ouvrages de ces auteurs. On va revenir là-dessus, évidemment, hein. Alors, pour les différents pays, pour les différents auteurs, pour les différentes périodes, les types d'informations, les quantités d'informations, surtout pour l'instant, ne sont pas du tout identiques, voire comparables. étant donné qu'on a commencé à partir d'un projet qui concernait d'abord la réception en Hollande et qu'à partir de là, on s'est étendu et que notamment, par exemple, les collègues bulgares, c'est relativement récent qu'elles se sont jointes. Donc, il y a une inégalité, si on veut, hein, quand on regarde le contenu de cette base, mais en même temps, les actions COST, comme celles qu'on a là maintenant, ont pour but de créer un réseau et non pas de réaliser une recherche. Donc, nous nous activons pour formuler des propositions de recherche et c'est là que le véritable travail sera fait. Et donc, tout ça qu'on fait actuellement, c'est préparatoire. Alors, pour l'instant, nous avons une liste, comme vous le voyez ici, qui contient les noms de 4000 écrivaines. Là, elles sont en vrac. Ça, c'est le genre d'image que je vais vous montrer. Je ne sais pas, les noms sont visibles, plus ou moins, ou pas du tout ? Plus ou moins. Oui, oui. Il y a une place ici, non, si non, vous voulez. Oula. Enfin, il ne s'agit pas des détails, évidemment, mais c'est juste pour montrer que jusque-là, on a trouvé 4000 noms. Là, vous voyez comment c'est complètement en vrac, que par exemple, il y a une écrivaine colombienne parce qu'on a retrouvé une réception quelque part. Donc, c'est tout à fait... ça ne dit pas grand-chose, en fait, cette liste vue comme ça. Hein, il faut aller un peu plus loin pour aller voir de plus près. Et notamment, on les groupe par pays. Là, c'est les écrivaines hollandaises dont on en a plus de 800. Évidemment, là, c'est le plus grand nombre et la plus grande proportion vu qu'on a commencé en Hollande. Nous, en disant écrivaine, on inclut, par exemple, les traductrices. On reviendra là-dessus aussi. Ce qui explique en partie, évidemment, le très grand nombre. Hein. Enfin, là, tout ça, c'est à voir de plus près avant aucune déclaration définitive. Là, c'est les Allemandes. Là, on en a 300. Ça peut paraître étonnant, mais en partie, c'est dû au fait... Enfin, le nombre, disons, plus petit, 300 par rapport aux 800 hollandaises, on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits, évidemment, dans les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre et la France, et on ne cherche pas à dédoubler tout ça. Mais actuellement, on est en train de mettre en route un projet d'interconnectivité entre projets en ligne, de façon qu'on puisse se servir de ce qui est fait ailleurs. Et donc là, en très grande partie, les Allemandes qu'on a, c'est parce qu'on a trouvé des traductions en hollandais ou en français, ou en bulgare ou en russe, et que donc elles ont droit, et enfin on est obligé de les situer quand même au niveau auteur. Là, c'est les écrivaines serbes. Alors, notre collaboration avec la Serbie est intéressante dans la mesure où cela a généré aussi un projet serbe, en ce sens que nos collègues serbes, et d'ailleurs il y a aussi une Polonaise qui travaille à la littérature serbe féminine, donc ça ne se réduit pas à l'intérieur des frontières serbes. Ici, elle rentre les données en utilisant l'anglais et en donnant des informations relativement générales, mais elles ont aussi utilisé la même structure de base de données pour se donner la possibilité de présenter à leurs étudiantes et collègues et compatriotes serbes la littérature féminine serbe, donc en serbe. C'est-à-dire, il y a deux types de caractères en plus, hein, il y a le cyrillique et l'alphabet latin, donc c'est beaucoup plus compliqué de ce côté-là, et avec là la possibilité aussi de donner beaucoup plus de renseignements, des bibliographies beaucoup plus complètes pour les parutions modernes, par exemple. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'un projet européen, même assez rapidement, a généré ce projet dans un pays où il y avait peu de travail là-dessus. Là, c'est les écrivaines russes. On a plusieurs collègues, dont Hilde Hornbaum, par exemple, aux États-Unis, qui travaillent sur les compilations de auteurs russes. Et donc, il y a énormément de renseignements, il y a énormément d'écrivaines aussi. Et vous voyez le problème, enfin, comme moi, je trouve un problème. Toutes ces femmes russes, elles ont des noms qui se ressemblent beaucoup. Et donc, on a l'impression qu'il doit y avoir une erreur, mais alors c'est une sœur, une cousine, ou enfin, je ne sais pas quoi. Donc là, pour vous donner quelques exemples, là, on arrive dans les françaises, pour lesquelles on en a 730 pour l'instant. Ce n'est pas du tout complet, hein, évidemment. C'est notamment parce que moi, pour l'instant, je suis plus concernée par les réceptions hollandaises, donc enfin, je rattrape, mais enfin, c'est une liste qui est intéressante néanmoins. Là, elle est par ordre alphabétique, ici, elle est par ordre chronologique, et vous voyez qu'en utilisant des sources du genre La Porte, 18e siècle, Briquet, etc., on arrive aussi à des françaises très vieilles, disons, notamment cette Algazi et Dodane qui sont mentionnées par certaines de ces compilateurs. Là, je rentre pas dans les détails de ce type de mention. Ça frôle parfois un certain ridicule, mais quand même, ça vient de nos sources. Vous voyez les noms qui sont d'ordre complètement différent des Christine de Pizan à côté de, disons, par exemple, Azalaïs de Porcarin. Enfin, moi, elle m'était inconnue avant que je la trouvasse. Alors, l'idée, en voyant ces listes comme ça, on a l'impression qu'on est là en train d'accumuler, mais évidemment, c'est un premier stade. Il ne s'agit pas juste d'accumuler, mais l'objectif est d'arriver finalement, quand exactement, on va voir. Il faudra d'abord donc faire la recherche aussi, arriver à comprendre les rôles, les positions des femmes qui écrivaient, et là, personnellement, je me base beaucoup sur mon travail sur le XVIIIe siècle, où j'ai constaté que de très nombreuses femmes, non seulement les trois là, qui sont certainement parmi les plus intéressantes, hein, mais beaucoup d'autres, étaient lues, commentées, traduites, et elles ont donc dû exercer une certaine influence. Bon, certaine influence, laquelle ? Tout ça, évidemment, a été un peu obscurci, intentionnellement ou non, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a de quoi éclairer des choses. Alors, pour éclairer des choses, il y a bien sûr les travaux qui se font, mais le problème que nous, en tant que collaboration, on reconnaît, c'est que ça se fait trop à échelle nationale. Le problème, enfin, l'argument contre peut être qu'à l'échelle nationale, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, on peut se dire, tant pis, c'est pas possible. Mais, comme nous, on a constaté pour les Pays-Bas, la réception internationale et nationale aux Pays-Bas, il y a quand même un nombre très important d'autrices qui étaient actives sur un plan international, qu'elles soient exportées ou qu'elles servent d'intermédiaire, et que c'est pour nous, pour les Pays-Bas, c'est en regardant, en utilisant la perspective internationale, qu'on trouve vraiment des noms d'écrivaines en grande quantité, soit qu'elles simplement avaient lu des étrangères et que alors elles se sont mises à écrire elles-mêmes, soit qu'activement elles servent de critique ou de traductrice. Cette perspective internationale est peut-être pour un petit pays comme la Hollande, ça il faudra donc voir. Enfin, la Hollande n'est pas le seul petit pays, donc pour d'autres aussi peut-être. Mais personnellement, je pense que pour les autres pays, c'est la même chose. C'est en adoptant une perspective internationale qu'on trouve véritablement ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je crois personnellement, mais c'est une croyance complètement à vérifier, je crois que finalement, au niveau des pourcentages, il va y avoir probablement plus de contacts entre écrivains femmes à échelle internationale qu'entre écrivains hommes. C'est pour ça que j'ai certaines indications grâce à des collègues hongars, bulgares, où la situation des femmes est vraiment... où je me demande si ce n'est pas un exemple aussi dont on a besoin pour revoir notre propre histoire littéraire féminine, hollandaise en tout cas. Donc, en particulier les femmes écrivains actives avant le début du XXe siècle, étant donné que, là, on en a déjà... Ah oui, étant donné que notamment, disons, à partir de la seconde moitié du XIXe et depuis, on a une idée fausse de tout ce qui a précédé, et je suis notamment les observations de Margaret Easel, qui, en 93, je crois, a recommandé vraiment de regarder les sources d'avant les canonisations fin 19e siècle pour vraiment retrouver l'impression du rôle de ces femmes écrivains dans la vie littéraire. Tel que maintenant on connaît le canon littéraire français, il y a par exemple ces noms, ces 25 noms de femmes qu'on peut relativement souvent y retrouver. Là, c'est une liste d'écrivaines qui sont mentionnées dans les volumes faits à échelle européenne, lettres européennes, où donc, vous voyez, entre Héloïse et George Sand, j'ai exclu les femmes du XXe siècle. Donc, ça, on peut dire que ça, c'est ce qui est grosso modo reconnu comme corpus. Et on voit que la marquise Rambouillet, bien que pas vraiment écrivaine, est mentionnée comme telle. Enfin, on en a l'habitude, en un sens. Alors, je pense que Virginia Woolf et son ouvrage The Room of One's Own est vraiment une grande inspiration pour nous. Elle a fait comme un premier pas. Et ce qu'à un moment donné, donc, elle formule, qu'on a besoin d'un mass of information, en fait, elle n'a pas trouvé son étudiant, mais grâce maintenant à l'informatique, c'est possible. Et c'est comme ça que Virginia Woolf, on peut assez agréablement, je pense, pour le moment où on va présenter tout le projet, la considérer comme une espèce de point final de toute une préhistoire, au début d'une nouvelle approche. Et en fait, comme elle écrit si bien, c'est aussi très agréable de se servir de ces textes. Voilà. Alors, cette base de données, elle contient des renseignements qui, en partie, sont des renseignements complètement objectifs, des noms, des titres, et qu'on trouve donc dans des catalogues de bibliothèques nationales, du moment qu'on sait qu'elles devraient s'y trouver. J'ai des collègues, et peut-être vous aussi, qui, il y a 20 ans à peu près, cherchaient dans le catalogue de la Bibliothèque nationale hollandaise des prénoms féminins. C'est comme ça qu'elles sont effectivement tombées sur des tas de... C'est un peu ridicule de continuer comme ça. Donc, c'est tout ça, tous ces renseignements, noms de femmes et titres de leurs ouvrages se trouvent dans ces catalogues, mais comment y arriver? Et en fait, nous, dans ce projet, on évite d'aller chercher complètement au hasard dans ces catalogues de bibliothèques nationales. Et c'est pourquoi nous nous basons sur des témoignages de réception contemporaines dans un sens assez large, mettons d'avant la canonisation. Et donc, par exemple, ces compilations que j'ai nommées à plusieurs reprises, ce sont des sources évidemment très très intéressantes ressemblent à ces listes de femmes fortes, la tradition en existait, ça a été continuer, c'est pas du tout fiable forcément, du moins comme contenu, mais c'est des témoignages de réception. Donc ces témoignages de réception nous fournissent ce qu'on peut appeler le troisième niveau. Les noms et titres, bon, très bien, mais c'est en fait les témoignages de réception qui sont intéressants et qui nous mènent plus loin, qui peuvent effectivement nous donner une indication sur le rôle que ces femmes ont pu jouer. Ça peut mener aussi à la détection de réseaux entre femmes écrivains. Dans la base telle qu'on l'a actuellement, C'est une façon très primitive encore de montrer ce réseau. Hein. On est en train de discuter une nouvelle version de cette base, donc ça va se présenter très différemment à un moment donné. Mais pour l'instant, on peut en tout cas montrer, pour George Sand par exemple, qui étaient les auteurs qu'elle lisait et quels autres auteurs la lisaient. Et en étant dans la base, en appuyant sur un autre nom, on met cette personne-là au milieu. Et donc, chaque fois, on a l'entourage, disons. Alors, des fois, comme vous pouvez peut-être le voir ici, oui, il y a Hortense Allard que Sand lisait et qui, elle, lisait aussi Sand. Donc, ça, c'est un peu une preuve de la primitivité de cette façon de visualiser. Hein, mais enfin, donc ça viendra. Et l'idée, en tout cas, c'est de tenir compte beaucoup plus du contexte où les femmes étaient actives. Alors là, je vous montre les fiches telles que se présentent actuellement. Ça, c'est donc le genre de renseignement qu'on donne pour les auteurs. Ça, c'est le haut de la fiche, et juste pour vous donner l'impression et pour vous montrer aussi que on a la possibilité d'établir des, enfin, d'insérer d'autres adresses. Ici, c'est donc un autre type de lien entre nos écrivaines, parce que d'un côté, on peut dessiner des réseaux qui se sont faits par l'écriture et la lecture des textes, mais il y a évidemment d'autres réseaux, comme les réseaux de parenté ou d'amitié, ou de, etc., etc., et c'est important de les intégrer. Là, c'est ce qu'on peut noter pour les ouvrages. Le ruisseau, c'est évidemment c'est un problème en soi, d'ailleurs. C'est un seul poème. Il fait aussi partie d'une collection de poèmes. Donc, le débat sur comment noter ça est en cours. Il n'est pas encore résolu. Mais le ruisseau, en tout cas, c'est très intéressant parce que ça a été énormément traduit, lu et copié en Russie au 19e siècle. Donc, c'est le côté intéressant d'être avec des collègues internationaux. On ne le sait pas. Il n'y a pas encore de publication là-dessus. Et alors, donc, voilà une de ces écrivaines russes qui commentait, qui travaillait sur le ruisseau. Voilà comment ça se présente. Alors, ici, vous voyez le bas de la fiche auteur, donc correspondant toujours à Madame, qu'est-ce qu'on était en train de faire, Deshoulières. Vous voyez que c'est en très grande partie en anglais, c'est pas possible autrement. Au départ, il y avait beaucoup de choses qu'on avait commencé à faire en français, mais il faut standardiser. Et là, par exemple, on met pour Professional Situation, Poet Translator, en fait, ça sert de code aussi, hein, pour l'instant. Je vais revenir là-dessus et on arrive donc à générer la liste de traductrices. Ici, vous voyez comment que, on essaie d'inventorier les différentes manuels, compilations où ces femmes sont mentionnées. Et là, pardon. Oh. Ici. Là, vous avez les sites, et alors évidemment, il y a toutes sortes de liens vers toutes sortes de sites, selon les besoins des gens qui ont travaillé. Et on ne va pas mettre des étudiantes ou des assistantes à faire l'inventaire sur Internet par auteur individuel des sites, hein, là, évidemment. Donc, vous pouvez y entrer et trouver qu'il y a très peu de liens. Ben oui, vous êtes invité à rentrer vos liens. Donc, ça, c'est inévitable. Alors, vous voyez que ces champs-là, ces parties-là, c'est en fait, c'est là qu'on peut mettre du texte. Mais, on peut encore être là, on est en train de davantage encore standardiser, donc de ne pas juste mettre translator dans un carré pour texte, en fait, c'est un peu double, pas très cohérent, en fait, veut munir notre information d'un certain nombre de codes beaucoup plus utilisés comme code effectivement, de façon qu'on puisse cocher et aller beaucoup plus loin dans les interprétations. en se gardant la possibilité quand même d'ajouter des éléments textuels pour expliciter un code. Hein, parce que mettre juste une espèce de code et puis laisser les gens débrouillez-vous, hein, c'est quand même pas suffisant. Alors, tous ces renseignements à ajouter et à préciser concernera en particulier le niveau de la réception. C'est celui qui est le plus complexe et c'est là qu'on est en train d'innover. Hein. C'est ça qui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut mettre les assistants effectivement à faire de la recherche et être aussi un peu inventif, comment trouver ces renseignements. Alors, les réceptions, donc non seulement c'est le plus important, mais aussi il y a une certaine diversité, bien sûr. C'est important d'inclure, par exemple, des renseignements sur les achats de livres, parce que parfois, ça peut être complètement contradictoire par rapport à ce qu'un critique littéraire aura dit. Hein, par exemple, au XIXe siècle hollandais, la critique littéraire était fortement opposée à l'entrée de George Sand dans le domaine hollandais, notamment si on pensait à des lectrices. Et ça a été assez longtemps pris au sérieux, en train de dire George Sand n'était pas reçu en Hollande. Alors, quand on regarde ensuite les ventes et les présences en bibliothèque, il est clair qu'elle était lue et en plus on pouvait très bien la lire en français parce qu'il y avait toute une classe hollandaise qui était éduquée en français, qui avait des gouvernantes suisses d'ailleurs la plupart du temps, mais donc les traductions n'étaient pas nécessaires. Donc ces différents types de réception se complètent en fait, hein, se contredisent, mais à l'analyse se complètent. Bon. Alors, je vais quand même plus ou moins me concentrer sur les écrivaines et les traductrices du 18e, mais pas complètement. Et j'essaie de les voir dans ce contexte international que j'essaie d'écrire. Voilà des listes pour commencer. Vous voyez donc là un morceau de la liste que je montrais tout à l'heure des 700 noms mis par ordre chronologique et alors j'ai pris une partie du 18e. Vous voyez une série de noms complètement inconnus, même à Marianne, pour lesquels un auteur comme Laporte, dans son Histoire littéraire des femmes françaises, 1769, parfois précise, je ne sais pas si cette dame a écrit, en fait. Hein, donc pour l'instant, on la maintient, parce que est-ce que jamais on va avoir un renseignement qui va prouver par A plus B qu'elle n'a jamais écrit, ce n'est pas sûr. Mais enfin, il est clair que c'est une diversité très importante. Là, c'est donc une liste de titres où vous voyez ici les noms d'auteurs. C'est par ordre chronologique donc aussi les titres, la France, ok, et ici les différents genres. Dans certains cas, c'est pas tout de suite clair de quel genre il s'agit, ça dépend de la source où on a trouvé le titre. Des fois, on a des titres qui semblent complètement provisoires et à voir de plus près. Et alors, là, la réception. Et ici, vous voyez, par exemple, que pour Graffini, Séni, ça a été traduit en 52 en anglais. Pardon. Non. Vraiment ça réagit drôlement, hein. Je ne sais pas ce que je fais mal, mais Rico Boni, la suite de Marianne, qui a été commentée dans la presse anglaise. Je ne vais pas trop rentrer dans la façon dont on entre tous ces renseignements. En principe, on prend des sources, disons, de grande échelle, comme par exemple, comme vous le voyez d'ailleurs ici aussi, les périodiques littéraires, des grands périodiques comme l'Année littéraire, ils ont des index qui sont bien manipulables. En plus, ils commencent à se trouver sur Internet, donc ça va être dans notre projet, en tout cas, relier le plus efficacement possible. En tout cas, voilà les listes que ça donne. Alors, il est bien entendu aussi que même si j'utilise les exemples français, parce qu'on est ici, c'est clair que pour les écrivaines de tous les pays, en principe, des questions du même genre se posent. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est très sensible dans ces réunions qu'on a. On se retrouve avec les mêmes questions pour lesquelles on n'a pas forcément des réponses, mais c'est une collaboration très intéressante donc, à ce niveau-là. Alors, une des questions les plus importantes, à notre avis, c'est la question de la spécificité de l'écriture féminine. Enfin, c'était amusant que la question de la spécificité était aussi la première qu'on posait. Ce n'était pas l'écriture féminine, évidemment, dont il était question dans cette première remarque. Mais globalement, c'est ça qui a été à l'origine de nos questionnements. Comment décrire une spécificité ou la spécificité commune aux écrits de femmes et aussi aux réactions que ces écrits ont suscitées. Étant donné qu'on veut étudier la fonction que ces textes ont eue à leur époque, il s'agit donc de comprendre d'abord où ces spécificités textuelles résident, parce qu'il est bien entendu que ça ne doit pas se réduire au fait d'avoir été écrit par une femme. S'il y a rien à voir dans le texte qui correspond, il y a un problème quand même. Le sens de ces origines féminines peut être différent, bien sûr, pour les lecteurs, pour les lectrices, dans un pays ou dans un autre pays, mais c'est ça justement qu'on va essayer de découvrir. Voilà. Alors, dans cette base, nous nous restreignons donc à des données empiriques, c'est-à-dire on n'ajoute aucune interprétation personnelle. Même, on peut en avoir, hein, mais on les publierait ailleurs et on ferait juste la référence aux articles dans les fiches. Mais là, ce qu'on stocke comme matériel, c'est vraiment une présence dans une bibliothèque, un article publié par un commentateur, une traduction, et à partir de là, on va donc faire nos analyses. Alors, pour préparer cette approche commune d'un grand nombre d'auteurs dans différents pays, il est important de vraiment réfléchir sur ce qu'il faut intégrer comme catégorie dans ces fiches. Et les fiches que je vous ai montrées tout à l'heure, j'ai bien précisé que c'est la version actuelle qui date de à peu près 2007, je pense. Et là, on travaille sur une nouvelle version. Donc, on a une espèce de sous-groupe où on réfléchit sur les catégories à intégrer dans chacun de ces trois niveaux de fiches. Alors, évidemment, les genres pratiqués, l'emploi de paratexte, paratexte autographe, là, pour le niveau auteur, le milieu d'origine, tout ça, évidemment, on devrait pouvoir faire une espèce de code, comme je dis, cocher. Et aussi leur situation financière. Et là, c'est très clair, tu as montré très clairement comment il y a un lien très direct, important en tout cas. Et jusque-là, nous n'avions pas la possibilité de systématiquement entrer ça dans nos fiches. Il faut le créer. Et alors, il y a pour l'instant les 90 centièmes des auteurs pour lesquels on ne sait pas. Mais c'est une base de données qui est un instrument de travail et qui n'est pas une publication de quelque chose de fini. À un moment donné, oui, mais pas pour l'instant. Hein, donc, il faut se donner ce moyen. Alors, pour les ouvrages, on préciserait bien sûr aussi, et ça on le précise déjà, le genre, peut-être le thème d'un texte, mais ce n'est pas forcément très évident. Hein, des topos narratifs qui semblent importants dans le texte et qui semblent pertinents par rapport au gender. Et là, il y a des topos narratifs d'un côté, des topos de l'intrigue et les topoi de la narration. Et j'ai vu qu'il y avait là notre bouquin. Là, on a déjà réfléchi sur les topoi narratifs genrés et non genrés. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les topoi narratifs ont cet avantage qu'ils sont très concrets et que, par exemple, on peut s'imaginer au niveau du rôle que peut jouer l'argent dans l'intrigue à une mise en scène d'une femme qui, dans un roman, une femme qui gagne son argent par n'importe quel travail. Et la question se poserait donc, évidemment, en collaborant de préférence avec la Sator, en l'occurrence, qui s'intéresse aussi à la littérature non féminine. Est-ce que la représentation de femmes qui vivent de leur travail arrive, est utilisée par des auteurs hommes, oui ou non? Et alors, à un moment donné, il faudra comparer. Donc nous, la comparaison, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on a l'impression, et donc c'est ce qu'on a étudié précédemment, on a l'impression que certains topoi sont vraiment utilisés avec une certaine préférence par des écrivains femmes. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ce sera évidemment très, très intéressant si tout de suite vous disiez « Mais voilà, j'ai des romans masculins où ça, c'est présent aussi. » Parce que c'est une chose à discuter. Surtout que, évidemment, nous, au moment de rentrer ces informations, on ne peut pas, soit nous-mêmes, soit nos étudiantes, soit nos assistantes, on ne peut pas se mettre à lire tout le roman. Ce n'est pas possible. Donc, ce genre de renseignements, on les entre à partir des témoignages de réception. C'est-à-dire que ça a l'avantage de montrer aussi qu'est-ce qui a frappé les contemporains. Et alors, à un moment donné, il faudra évidemment comparer quels topoi visiblement importants pour l'auteur ont été éliminés par le lecteur. Mais bon, ça, c'est un stade suivant. Voilà, donc les activités de personnages féminins payés ou non payés, c'est important, enfin intéressant en tout cas, à pouvoir relever, et ça, on va y arriver. Pour les réceptions, il faudra aussi pouvoir préciser s'il s'agit, premièrement, de la réception de l'auteur ou de la réception d'un ouvrage précis. Vous savez vous-même, enfin, ou alors vous imaginez, que très souvent, les articles sur tel auteur concernent cet auteur, abstraction faite de ses ouvrages, ou alors en prenant les ouvrages en bloc, ou alors en insistant sur leurs amours, leurs enfants, leur prise de position politique, etc. Donc, il faut pouvoir distinguer ça. Et alors, dans ces témoignages de réception concernant simplement l'auteur, il y a de la tension parfois pour l'argent, pas toujours, certainement, mais il y a. Donc ça, il faut pouvoir l'intégrer dans ses fiches et dans les comptes rendus d'ouvrages ou les commentaires aussi dans les lettres personnelles. Il y a évidemment les topoi narratifs qui peuvent être taxés, quand il s'agit de questions d'argent, qui peuvent être taxés de vraisemblance ou d'invraisemblance. C'est ça, surtout un critère très intéressant d'acceptation ou de non-acceptation, en fait. Bon, alors donc, jusque-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous donner une impression de la façon dont cette base prétend servir un groupe assez important de chercheurs qui souvent n'ont pas des besoins tout à fait identiques, parce que par exemple certains de nos collègues, notamment dans les pays du Balkan, en effet, ne sont pas encore du tout en train de travailler sur la réception. Donc elles vont vers là, mais n'ont pas du tout encore les sources aussi disponibles que nous on les a. Donc, pour l'instant, elles intègrent les données auteur et titre. Alors, dans les discussions qu'on a, on essaie de montrer que les exemples du côté ouest de l'Europe, disons, montrent le rôle que ces femmes ont pu jouer quand on prend les témoignages de réception, et que la question reste ouverte pour ces autres pays et qu'il faut trouver des moyens, enfin, elles y arrivent aussi, on voit qu'il y a des choses qui vraiment se font, ça c'est très clair, mais donc la base est commune, elle est différemment utilisée par les différentes collègues, et alors ce qui, je pense, est intéressant, ce qu'on trouve aussi, qui est utile, c'est qu'à la fois, elle permet de manipuler de très grandes quantités d'auteurs, d'ouvrages, de réceptions, donc d'arriver à faire des espèces de statistiques. Pour l'instant, c'est essentiellement autour de ce qui est arrivé en Hollande, et ça peut être comparé pour différentes autres époques précises parfois, mais c'est vraiment très, très en train d'être préparé pour la suite. Et donc, en supposant toutes ces grandes quantités, il va y avoir des visualisations qu'on va donc aussi inclure pour vraiment faire des statistiques qui nous mèneraient plus loin dans nos propres analyses ensuite. Et en même temps, il est possible dans cette base aussi de travailler de façon complètement individuelle. Par exemple, comme moi j'ai beaucoup travaillé sur Isabelle de Charrière, sur Isabelle de Charrière, il y a beaucoup plus de renseignements, ce qui peut, si vous voulez, enlever un certain équilibre, puisque pour une ou pour plusieurs écrivaines précises, il y a plus de renseignements, mais à un moment donné, ça, techniquement, on va pouvoir rééquilibrer ça. Mais donc, ça permet aussi, à, par exemple, des collègues en Slovénie, là on a par exemple des collègues en Slovénie qui travaillent sur la littérature française telle que reçue là-bas, donc elles peuvent aussi avoir leur espace à elles et éviter de tenir compte de ce qui se passe en Finlande et au Portugal et d'avoir juste la structure. Donc il y a un niveau macro et un niveau micro, si vous voulez. Bon, ça donc comme cadre. Je ne sais pas si c'est assez clair parce que j'essaie d'être et précis et rapide, mais bon, sinon vous allez le dire. Donc, vous voyez que, enfin, je pense que grâce à toi déjà, c'était assez clair que le rôle de l'argent et tous les côtés financiers, économiques de la situation d'auteur, c'est un élément qu'il ne faut pas louper dans une approche du statut de l'autrice à tous les niveaux en fait. Et ce qui est essentiel de se rendre compte, et c'est là que nous commençons à différer, je dirais, c'est que nous on s'éloigne de tout critère de valeur littéraire et esthétique. Du moment qu'on a une auteure qui a écrit et qui a été reçue, on l'intègre, on ne réfléchit pas pour l'instant si on aime ce qu'elle écrit. Et donc l'idée de présenter cette auteure dans un cours pour les étudiants, ce n'est pas du tout au programme pour l'instant. Tout ça peut évidemment enlever de l'intérêt pour certains d'entre nous, à l'étude de la littérature. Ça, j'en suis complètement convaincue. Mais on pense quand même que c'est important d'enlever, de mettre de côté pour l'instant ces critères de valeur littéraire, vu que très souvent, l'entrée de ces femmes dans le canon littéraire est aussi basée sur des jugements complètement partiaux, qu'on peut, nous, finalement, dans cette approche aussi, dénoncer comme partiaux, enfin qu'on sait en gros qu'ils sont partiaux, mais qu'on peut montrer par A plus B qu'ils sont partiaux, et que donc on peut mettre quelque chose à la place, au moins l'importance historique de ces femmes, qu'on les connaisse ou pas, elles ont eu un public, donc elles ont vécu très souvent de ce qu'elles ont publié, donc elles ont joué un rôle. Après, intéressant ou non, c'est autre chose. C'est ça qu'on cherche à séparer. Donc, on utilise comme point de départ ces appréciations qui sont positives ou négatives qu'on déduit de nos témoignages de réception. Et en fait, donc, à partir des arguments que mettent en avant les commentaires, on se donne comme une entrée sur le dialogue qui se poursuit entre une auteure et son lecteur, sa lectrice, son public, et c'est un dialogue qui est un peu évidemment, c'est pas sûr qu'il faille continuer à l'appeler comme ça, puisque il y a en général il y a une déclaration d'une femme qui a ensuite été reçue par plein de gens différents. Et il n'y a que le cas, par exemple, enfin, des cas comme ceux de Madame de Graffigny, qui, elle, à un moment donné, pour sa seconde version des lettres d'une Péruvienne, réagit vraiment. Et là, on voit un dialogue en action où elle dit explicitement « Je n'adapte pas la fin, par contre, je vais ajouter des éléments féministes ». En fait, hein. Donc, quelquefois, le dialogue est vraiment un dialogue, mais très souvent, le terme est un peu à prendre pas tout à fait à la lettre. Alors, les arguments qu'on trouve dans les commentaires, ils peuvent être évidemment de tous ordres. Hein. Les lectrices peuvent être contentes de voir une perspective féminine, ou alors pas contentes, hein. Elles ne sont pas forcément féministes, évidemment. Donc, ça, c'est à voir. Mais, en tout cas, il y a, à partir de cette vue sur la réception, il y a une nécessité évidente d'un retour sur le texte d'origine. Hein, ça, c'est clair. On ne commence pas par là, mais une fois qu'on a lu un article sur ce roman, il faut quand même aller voir ce qu'on dit dans ce roman. Et ensuite, on essaie d'interpréter la compréhension de ce texte. Hein, est-ce que c'est partial, en effet, ou non, etc. Donc, la question de l'argent que l'autrice aura retiré de ses efforts littéraires semble pouvoir être une mesure plus ou moins objective de son intégration dans le monde des lettres. Avec évidemment une importante réserve que, pour notamment le XVIIIe siècle, on n'a pas forcément les renseignements. Hein, Nicole, tout à l'heure, a tout de suite déjà dit où est-ce qu'on trouve les renseignements sur les pensions. Et enfin, ce n'est pas que les pensions pour lesquelles on est mal renseigné. Donc, on ne va jamais avoir pour nos 700 écrivaines françaises les renseignements complets. Bon, mais enfin... Mais on aura des renseignements pour plus que seulement les trois femmes que tu as. Hein, quelque part entre les deux, ou je ne sais pas. Mais... en utilisant ces témoignages de réception, on constate que certains commentateurs renvoient eux-mêmes aussi à cet aspect du métier d'écrivain. Alors, ces renseignements sont très souvent pas fiables, mais bon. Donc, on considère les écrivains et les écrivaines ici comme des personnes produisant des marchandises. Hein? Et il est admis tout à fait généralement depuis longtemps que les écrivains hommes, eux, c'est normal qu'ils vivent de leurs plumes, hein, qu'ils vivent bon, qu'ils vivent mal, c'est égal. Mais pour les femmes, ça correspond beaucoup moins, hein, ça c'est clair, à une normalité reconnue, acceptée, hein, du moins jusqu'à assez récemment. Donc, moins que pour les écrivains hommes, l'argent serait un moyen simple pour déterminer le succès ou l'insuccès des écrivaines. Et enfin, moi, je pense personnellement qu'il est donc d'autant plus important d'étudier cette production féminine littéraire sous cette perspective inhabituelle, disons. Je pense en effet que le côté financier représente et concrétise la norme. Et la norme, tu es revenu là-dessus aussi de temps en temps, implicitement, mais la socialisation, la norme, il faut en tenir compte. Alors, comme je viens de vous le dire, dans notre collaboration, nous commençons seulement à intégrer ce facteur dans nos débats et je n'ai pas de résultat tout fait. Au contraire, c'est important d'utiliser ce genre de rencontres pour discuter de la faisabilité ce genre d'approche. Donc, je vous ai montré les trois niveaux de cette base. Et je vais là maintenant complètement éviter de rester au premier niveau de l'auteur et de sympathiser en quelque sorte avec les difficultés, avec le manque de difficultés éventuellement financières de mes écrivaines. Et je passe j'aborde la question par ce troisième niveau de la réception. Et là, j'ai constaté effectivement que pour certains commentateurs, il a pu être pertinent de consacrer de l'attention à ces questions finances que ces écrivaines ont rencontrées. Alors, j'ai testé ça à propos d'une compilation bio-bibliographique que j'ai là, mais comme le livre est tombé l'autre jour. Je ne sais pas s'il faut le faire passer parce qu'il est un peu en morceaux. Il s'agit de Henri Carton, Les femmes d'écrivains de la France, qu'il est mentionné par exemple aussi dans la liste des compilations dans le site de la CIEFAR, 1886. Vous voyez que là, il y a une série de noms. Tous ces noms de femmes proviennent donc de ce livre de Carton. Là, quand j'ai fait la diapositive ici, je n'avais pas encore tout à fait fini. Donc, il y a 77 fiches, mais il y a une centaine de noms, en fait, qu'il traite. Il est clair que lui utilise les compilations d'avant lui et qu'ensuite il a aussi été réutilisé après lui. Ça, ce n'est pas le problème pour l'instant. Ma question, c'est comment est-ce qu'il présente ses autrices et quel lien est-ce qu'il établit ou suggère avec le côté financier de leur travail. Alors, il y a 9 femmes. Donc sur la centaine à peu près, comme je viens de le dire, dont plusieurs dizaines qui sont uniquement mentionnées, sans plus, sans plus. Pour 9 femmes, il est question des aspects économiques du travail d'écrivaine. Alors il faut aussi penser, comme on l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure déjà, que Carton mentionne avec pas mal de détails des femmes qui en fait n'écrivaient pas ou qui ne publiaient pas, comme Madame du Deffand, Lespinasse, Rambouillet, Sévigné, donc ça c'est à part. Donc le pourcentage exact de ces 9 femmes sur celles dont il parle et qui sont écrivaines, je l'établirai un peu plus tard. Alors je cite maintenant pour ces femmes, dont vous voyez les noms là dans la liste produite par le programme, je cite ici, là c'est j'espère que c'est lisible même là, des très brefs passages, des passages consacrés à ces femmes, juste pour voir quel rôle est-ce qu'il attribue à l'argent. C'est très bref, évidemment, et c'est un peu abrégé, mais bon. Il est clair que l'argent est invoqué de façon complètement différente et sert aussi d'argument dans des discours qui ont une tendance différente. Certains étant positifs, disons, globalement, d'autres négatifs. Donc tout ça, c'est assez intéressant à comparer. Alors je ne prends pas l'ordre alphabétique tel qu'ici. À Christine de Pizan, pour commencer, Carton applique ce qu'on peut appeler, à mon avis, un topos de l'historiographie des femmes. Relativement nombreuses sont ces femmes qui auraient été les premières à réaliser quelque chose, et notamment les premières à vivre de leur plume. On les trouve entre Christine de Pizan et la fin du XIXe siècle, selon les textes. Et c'est un signe d'admiration, ça c'est clair. Et notamment pour Christine de Pizan, le reste, il consacre 5 pages à Christine de Pizan, il est clair que c'est de l'admiration. Alors, la pension obtenue par Marie de Gournay, c'est sans doute en rapport avec le travail réalisé sur Montaigne, c'est peut-être davantage dû à Montaigne qu'à elle-même, mais bon, c'est également objet d'admiration. Et puis, il y a Sophie Cotin, c'est un peu dans l'autre sens. Elle a aidé, grâce à l'argent qu'elle a obtenu par une publication, je ne sais pas pour l'instant de quel roman, mais on peut le voir là, elle a aidé un homme de son entourage, financièrement aidé donc, et donc grâce à ses écrits, elle a pu pratiquer la charité. Pour une femme, évidemment, ça convient, mais c'est aussi une chose admirable et exceptionnelle. Alors pour Madame de Genlis, on peut dire que c'est relativement positif que la pension est mentionnée et le revenu de ses ouvrages est mentionné, mais il ajoute quand même avec une certaine malignité que ses ouvrages sont trop nombreux. Il y a une combinaison intéressante. Genlis, il consacre à elle 4 pages. Rico Boni, à laquelle il consacre 3 pages, je crois, oui. Carton, il a dû savoir que ses ouvrages l'ont rendu célèbre dans toute l'Europe, en fait. Et il semble prendre comme une sorte de revanche en disant qu'il ne l'avait pas enrichi. Hein, c'est-à-dire, je le dis aussi parce que cette remarque, elle fait suite à une description de ses romans comme, je cite, « supérieur, sinon par l'invention et le plan, du moins par le style hein, ». Rico Bonis, c'est surtout le style qu'on peut admirer sans problème, mais évidemment, l'invention et le plan, et notamment certains topoi, je dirais, ne sont pas tellement bien reçus. Alors, ces deux dames du début, Madame de, moi je ne sais jamais comment la prononcer, hein, de bord, ouais, enfin bon, celle-là, et Brady, Carton, il a pu les connaître personnellement, hein, globalement, première moitié du 19e siècle, ni l'une ni l'autre évidemment devenues célèbres, brièvement mentionnées toutes les deux. Pour elles, l'écriture est présentée comme un pis-aller, en fait, hein, dans des circonstances difficiles pour lesquelles il compatit plus ou moins. Alors, Louise Labbé, pour elle, et Louise Labbé, elle a 13 pages, pour elle, il n'est pas question de l'argent qu'elle aurait gagné, hein, c'est plutôt sa situation confortable qui est suggérée. Ça aurait été son mari qui l'aurait aidé financièrement, non pas pour publier en fait, mais pour avoir le temps de lire et donc de préparer sa carrière. Et on remarque, on en a déjà parlé, le lien entre l'argent et la situation matrimoniale qui est tout à fait clair. Nous avons dans tout le volume de nombreuses veuves, femmes non mariées et des divorcées, séparées. Carton lui-même, il attire l'attention sur le grand nombre, notamment de ces femmes divorcées, séparées, et il le fait à propos de Françoise de Graffigny. Il dit « La plupart des femmes qui se sont fait un nom plus ou moins illustre dans la littérature n'ont pas été heureuses en ménage. » Alors, il y a le cas de Delphine de Girardin, qui est évidemment un peu différent, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est intéressant de voir que Delphine de Girardin, la question financière n'est pas mentionnée pour elle, c'est pas nécessaire. Elle a eu cet avantage très important d'être mariée avec l'éditeur Émile de Girardin. Et alors, Carton, il dit, elle écrivit d'une plume alerte des romans et des articles de critique dans les divers journaux que fondait alors son infatigable mari. Hein, donc, on ne peut pas, en fait, se concentrer uniquement sur la mention explicite de l'argent, puisque il est clair que là, l'argent est au programme. Alors, l'œuvre de George Sand, à qui Carton consacre le nombre maximum de pages, c'est-à-dire 20, exactement comme à Madame de Staël, cette œuvre est présentée, évidemment, avec beaucoup de détails, nombreuses citations de critiques, Jules Janin notamment, mais ici aussi, il est évidemment question de sa séparation du baron du Devant, après laquelle elle s'installa Paris et, je cite, chercha à se créer des ressources qui lui permissent de mener une vie indépendante. Elle décrit tout ça dans Histoire de ma vie, évidemment. Hein. Elle fit des traductions, dessina des portraits, etc., etc. Mais tout ce travail était peu lucratif. Elle eut alors l'idée d'écrire. Alors Carton, il ajoute que les amis de Sand à qui elle parlait de son idée n'y croyaient pas, mais que ce fut Jules Sandeau, toujours Histoire de ma vie, bien sûr, qui allait l'aider. Et il dit, les deux amis unirent leurs forces et leurs premiers travaux parurent dans le Figaro. Donc, en les mettant au même niveau, hein, un peu. Alors, pour arriver à étudier ensemble, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ces références sur les questions finances dans les témoignages de réception, nous incluons dans nos fiches une sorte de code pour pouvoir repérer notre corpus, en fait. Alors, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est, enfin, ce que j'ai commencé à faire, et j'en ai parlé avec certains collègues, c'est de mettre ici simplement « money », pour utiliser à nouveau l'anglais, et puis la citation pertinente. Alors là, il faudra faire ça différemment, mais ça, c'est l'avantage d'avoir une version qui existe, hein, qui sert en fait pour tester les besoins et puis de formuler les questions pour les développeurs. Alors, évidemment, et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez ici, le texte de Carton, il est en ligne sur Gallica, Donc, avec cette petite citation que j'essaie de faire le plus exact au niveau espace aussi, on arrive tout de suite dans le contexte et on peut continuer le travail. Là, pour l'instant, je fais ça manuellement, mais l'idée, c'est donc de faire ça par le technique. On va voir, hein, vous aurez des nouvelles, mais on en parle. Alors, le problème pour ce genre de renseignement, c'est que ce n'est pas une donnée très objective, ça ne vient pas de l'autrice elle-même, et on ne peut pas dire que c'est des informations, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute la source, évidemment, et les sources peuvent se contredire. Hein. Ce sont justement des éléments d'une présentation qui peut être partiale. Et notamment, vous avez vu, elle suggère que le critique a ressenti un éloignement de la norme, hein, ce qui est évidemment répréhensible, mais aussi, et ça c'est intéressant dans le cas d'écrivaines appréciées, lues, traduites partout, etc., il suggère aussi qu'il y a comme un manque de qualité, hein, notamment Jean Lys, trop d'ouvrages, donc elle a gagné de l'argent, mais elle aurait mieux fait d'écrire moins, en gros. Tout ça, évidemment, en 1886, formulé à une époque où le canon était en train de se constituer et on sait la place que les femmes y ont obtenue. Donc, il est nécessaire, quand on a pris connaissance de ces remarques tout à fait suggestives, d'essayer de s'approcher de la réalité de l'autrice. Alors, dans certains cas, cela est possible. En consultant des éco-documents comme tu l'as fait, des documents genre contrat par exemple, hein, que pour le 19e on peut trouver, des correspondances entre écrivaines et éditeurs, hein, on en a dans certains cas, et alors ça donne des renseignements qu'on peut mettre au niveau auteur comme étant ayant une certaine valeur objective. Là j'ai juste mis cette fiche Christine de Pizan, pour vous donner le code qu'on utilise en mettant dans Professional Situation les mots Living by her pen en vue d'avoir ensemble celle qui le faisait. Alors, en consultant la correspondance de Rico Boni, vous avez vu ce que ça donne, hein, les problèmes qu'elle a avec ses éditeurs. Pour George Sand, la correspondance montre comment qu'elle sait très bien demander les prix qu'elle veut obtenir. Là, elle se débrouille tout à fait. Tout ça se suit vraiment d'un jour à l'autre dans sa correspondance. Et donc, ça peut mener, à un moment donné, à une liste. Là, c'est vraiment une toute petite liste parce que c'est juste pour l'occasion là que j'ai commencé à essayer de débrouiller un peu les choses. Donc, vous voyez que là, j'ai mis ce code, Living By, on n'a même pas besoin de faire plus. Et là, Christine de Pizan, qu'on a vu tout à l'heure, Madame Dunoyer, c'est un cas flagrant de vivre de sa plume. Je ne sais pas si, dans quelle mesure vous la connaissez. Enfin, elle, vraiment, c'est intéressant, mais là, j'ai tout de suite pas le temps, en tout cas. Et vous voyez que certaines collègues tchèques ont aussi intégré certaines écrivaines. Bojena Nemtchova, vous la connaissez peut-être, ça a été vraiment une grande écrivaine bohème, pour laquelle, dans différents pays d'Europe, actuellement, il existe des associations qui se réunissent. Il y a un musée, Bojena Nemtchova, c'est une célébrité. Enfin, elle faisait partie d'un groupe de 3 écrivaines, dont une a aussi traduit George Sand, et qui était en correspondance avec George Sand. George Sand lui écrivant « Je me sens vraiment d'accord avec vous, l'écrivaine et la traductrice, nous on est responsables ensemble. » Et donc c'est très intéressant de voir cette appréciation sur la base de se voir traduite évidemment, hein, par Sand de cette écrivaine. Alors Rico Boni, et vous voyez que là il y a aussi quelqu'un, la comtesse Ruot de La Haye. J'ai pas marqué ici comment ça se faisait déjà qu'elle vivait de sa plume. J'ai été le voir, mais j'ai oublié de le noter. Enfin, vous allez voir. Donc, c'est ça qui permet de constituer une espèce de série de personnes sur lesquelles on aurait des données plus ou moins, plus ou moins objectives, et puis d'aller voir plus loin, quoi, hein. Et donc, finalement, ça mènerait à une sorte de réponse à la question de Sabine, hein, quelle est la représentativité. Et il faudrait sans doute aussi tenir compte des femmes qui auraient voulu vivre de leur plume, qui cependant n'y réussirent pas, hein, et donc ajouter un code qui devrait en rendre compte. Alors, je voudrais aussi... Ah oui. Je suis en train de sauter une chose, mais je vais revenir effectivement quand même sur Madame Dunoyer pour donner un peu plus de renseignements. Elle était journaliste entre 1711 et 1719. Justement, hier, j'ai travaillé sur elle à l'Arsenal, parce que là, on a le périodique qu'elle a publié donc pendant 8 ans, ce qui est évidemment bi-hebdomadaire, très bien, vendu pour le public francophone. Mais ce qui est plus intéressant, on n'a pas de documents, d'égo-documents précisant la chose, mais elle a publié pendant, sur une période sans doute de 10 ans, quelque chose qui est une sorte de roman épistolaire avant la lettre, Lettre historique et galante, où elle réécrit les événements dont elle avait fait part dans sa gazette, mais alors vu par deux dames qui s'écrivaient des lettres. Et alors moi, ce qui m'intéressait hier, c'est la paix d'Utrecht. Elle est en 1713, elle rend compte des délibérations pour la paix d'Utrecht. Évidemment, tu comprends, Nicole, que la paix d'Utrecht, on va la fêter l'année prochaine. Peut-être que tu avais déjà eu des nouvelles là-dessus. À Utrecht, depuis au moins 10 ans, il y a un groupe qui est en train de préparer la commémoration de la paix d'Utrecht. Et avec Henriette Goldwyn, qui elle aussi a travaillé, on a décidé de faire un petit bouquin sur Madame Dunoyer, étant donné qu'elle rend compte en train de dire on attend d'un jour à l'autre l'arrivée du comte de Stafford qui a été demandé à la reine, ce qu'il faut dire, en fait, etc. Ça dure très longtemps. Et tous ces renseignements, elle les développe dans ces deux lettres, Lettre historique et galante, où vraiment on voit qu'elle a un deuxième revenu de tout ce qu'elle a écrit avant. Hein. Elle le rédige un petit peu, mais en plus, ce roman a eu énormément de succès, a été piraté aussi beaucoup, hein, donc l'argent n'a pas tout été dans sa propre poche, mais il est certain qu'elle en vivait. D'ailleurs, il y a certains documents de vente de maison, par exemple, parce qu'elle vivait à La Haye, et donc les archives ont été relativement conservées. Donc, elle, c'est clair. Madame le Prince de Beaumont, dont on parlait brièvement aussi tout à l'heure, elle agissait au niveau finance un peu en sens inverse, parce qu'elle avait son expérience d'éducatrice. Hein. Elle partait en Angleterre, elle était éducatrice, elle enseignait le français à des jeunes anglaises, et ce qui lui servait pour les leçons, ensuite, elle le mettait en forme et publiait Magasin des enfants, Magasin des jeunes demoiselles, à mesure que les élèves grandissaient, s'adaptaient. Et donc ça lui rapportait bien, au point que Catherine II l'aidait financièrement pour publier et qui a financé la traduction vers le russe. Donc elle, vraiment, c'est impressionnant en fait. Hein. Alors, parlant comme ça, on semble un peu mettre de côté le fait que c'est quand même le texte qui est le plus important et le plus intéressant, le texte écrit, enfin, en principe, c'est le plus intéressant, mais c'est donc à voir de plus près, hein, pour Riccoboni, oui, mais pas forcément pour toutes les autres. Et le texte qu'il faudrait essayer de voir en rapport avec les commentaires de lecteurs, et là, par exemple, notamment pour Madame Dunoyer, dont je dis qu'elle est si... qu'elle s'est au moins bien maintenue en vie, hein, Madame de Graffigny, qui écrit sur les lettres hystériques galantes, qu'elle ne veut pas les lire, sauf quand elle a mal à la tête, c'est alors la seule chose qu'elle peut arriver à supporter, les lettres hystériques galantes. Donc le compliment est très relatif. Donc, mais donc pour vraiment revenir sur le texte, il y a évidemment... en adoptant cette perspective, les deux questions. Est-ce que un besoin d'argent mène à un type de texte spécifique ou à des types de textes spécifiques? Et est-ce qu'il y a certains topoi narratifs qui semblent être spécifiquement utilisés par des femmes qui auraient besoin d'argent ou justement pas besoin d'argent? Comment est-ce que ça a des conséquences pour le texte? Alors, évidemment, on l'a déjà un petit peu mentionné, il semblerait bien que la traduction soit une activité considérée comme rapportant de l'argent. Et là, personnellement, j'aime toujours bien mentionner le cas de la romancière hollandaise Betje Wolff. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs son nom sur une diapositive, mais elle était aussi traductrice de Pope, mais de Jean Lys, et d'ailleurs de Madame d'Épinay, les conversations d'Émilie aussi. Alors elle, c'est vraiment, et très clairement, on le sait par ses correspondances avec son éditrice, qui était d'ailleurs une éditrice, on sait que c'était que pour l'argent, et au point que le texte de Madame de Genlis, qui l'agaçait à cause de son côté catholique, et évidemment Betje Wolff, elle n'était pas catholique, donc elle ajoute des notes où elle dit tout lecteur hollandais va comprendre que moi, je ne peux pas être d'accord avec ce que Madame de Genlis dit. Moi, je vois la chose comme ceci. Et alors, c'est sur plusieurs pages, parfois une note expliquant sa propre vision des choses. Mais il est clair que pendant plusieurs années, elle en a vécu. Donc, c'est un exemple très clair. Mais Madame Ricoponi, sans doute aussi, elle a trouvé de l'argent. Je n'ai pas été dans les détails là. Je n'ai pas été vérifiée, par exemple, dans la correspondance. Mais ce qui est intéressant dans les traductions de Madame Ricoponi, c'est qu'elle traduit des pièces d'un ami et en collaboration avec une amie, avec Thérèse Biancolelli. C'est vraiment un cadre qui semble, et ça j'en ai parlé dans un colloque à Lille en juin dernier, sur les traductions, le rôle des cadres familiaux, amicaux, c'est très très important apparemment pour les traductrices, peut-être pour les traducteurs aussi, il faudrait comparer, mais moi aussi je pense toujours à cette correspondance que Georges Sand elle a eue avec un éditeur à qui elle proposait sa copine Elisa Tourangin, qui soi-disant aurait pu traduire Elizabeth Inchbold, et donc elle essayait d'organiser ça. C'était une fille qui n'avait pas tellement de force de caractère, apparemment elle ne l'a pas fait, mais on arrive à trouver ce genre de renseignements. On peut penser aussi, et j'arrive vers une conclusion, que le roman considéré quand même comme un genre féminin, malgré tous ces romanciers hommes, que ça a pu être choisi de préférence par certaines femmes, notamment préférant d'utiliser le roman plutôt que le pamphlet ou la presse périodique, alors que dans certains cas, à mon avis, et pour Ricoponi, on le voit dans son périodique un peu avorté, L'Abeille, on voit que dans ce périodique, elle prend des positions plus radicale, plus féministe, si on veut, mais elle n'a pas réussi à le soutenir et à le faire marcher. Donc, la différence entre ce qu'on peut dire dans un périodique et dans un roman est assez intéressante. Elle, ayant besoin d'argent, se lançant dans le roman, a dû adapter visiblement certaines de ses idées, certaines des topoi qu'elle utilisait. Et c'est donc là qu'on arrive vraiment, à mon avis, à l'impact des questions argent sur le texte tel que les femmes ont pu l'écrire. Il est vraiment difficile de ne pas penser que Ricoponi, pour la vente, en vue de s'accommoder pour ses éditeurs, qu'elle ne se soit pas adaptée à une normalité qu'on aimerait reconnaître dans ses textes. Alors, parallèlement à des occurrences de certains topoi qu'on peut considérer comme féministes, refus de mariage, refus de pardonner, on trouve dans certains des romans ricoponiens quand même des personnages féminins, par exemple, vivant de leur travail. Pas d'ailleurs leur travail d'écriture, mais par exemple, le travail de l'aiguille, hein, comme la mère d'Ernestine, dans l'histoire d'Ernestine. Alors, j'arrive sur, et là c'est plus ou moins ma clôture, sur Isabelle de Charrière, sur laquelle j'ai surtout essayé de tester ce genre de choses. J'ai évité de complètement rentrer là-dedans, mais je pense qu'Isabelle de Charrière est un cas extrêmement intéressant pour être inclus ici, parce que très clairement, elle ne vivait pas de sa plume. Donc quand on oppose comme ça Riccoboni et Charrière, hein, on peut dire que Charrière était plus libre. Elle n'avait pas besoin de s'adapter aux exigences des éditeurs. Et cependant, elle est, dans ses textes, on voit qu'elle est très consciente du rôle que joue l'argent. Hein. Ce n'est pas qu'elle était au-dessus de ça. Hein. C'est clair qu'elle l'utilise. Par exemple, dans son roman Henriette et Richard, il n'a pas été publié de son vivant d'ailleurs, la question de l'argent qui se double de la question de la classe sociale est très présente. Il y a une espèce de refrain, le narrateur qui répète très souvent « Elle était pauvre, il était riche ». Hein, chaque fois, ça revient à propos de différents types de situations et on voit donc sa conscience de ce domaine. Et alors, il est très intéressant de voir aussi la façon dont elle a mis en scène un personnage féminin qui aussi vivait de son aiguille, hein, c'est Juliane, couturière dans les lettres neuchâteloises, et qui, à un moment donné, se trouve enceinte de l'Allemand Henri Meyer, qu'elle a rencontré un peu par hasard, et qui alors n'hésite pas à aller en parler avec Marianne Delaprise, qui est en fait aimée de Henri Meyer, et c'est réciproque en fait, même si le mariage se passe loin après le roman. Alors, évidemment, ça donne lieu à une scène qui est assez extraordinaire. Hein. Henri Meyer, il est complètement pris au dépourvu par Marianne Delaprise, qui s'adresse à lui en train de lui dire ce que Juliane lui a raconté. Et alors, effectivement, Henri Meyer, il prend des mesures pour faire accoucher Juliane chez lui en Allemagne et il fait en sorte qu'elle a de l'argent pour éduquer son enfant. Mais cette scène, hein, et là je reviens donc sur la réception, cette scène où Marianne Delaprise somme Henri Meyer d'aider financièrement cette Juliane, cette scène est jugée complètement choquante par un critique qui en parle ces termes. Était-ce à une jeune fille à parler à un jeune homme qu'elle n'a vu que deux ou trois fois d'une ouvrière qui se dit grosse de lui? Où sont les bienséances? Et donc ça, c'est le type de réaction et on peut imaginer que si elle avait dépendu d'un éditeur, c'est lui qui aurait déjà peut-être fait un obstacle là. Enfin, moi, je pense donc que la non-dépendance de la vente de ces textes lui a permis de prendre des positions relativement radicales sur le plan féministe, comme au niveau des questions d'argent. Et on voit donc que chercher la spécificité des textes féminins, par ce biais, aboutit à des résultats parfois surprenants, contradictoires, à voir de plus près. Donc, voilà l'intérêt de discuter ce genre de choses. Merci.